Je remercie beaucoup monsieur Berset, qui était mon directeur à l'école des chartes du temps où j'y étudiais. Et je remercie aussi Yvan Leskoutov pour toute cette organisation du colloque, du deuxième volet de cette série. Aussi pour m'avoir fait l'honneur de me confier en fait la première communication. L'architecture en médaille ou la gloire du roi in nuce. La plus belle médaille de Jean Varin, dite du vœu de la reine, est une médaille d'architecture. Le double portrait du droit montrant en vis-à-vis Louis XIV enfant et Anne d'Autriche, touchante image de maternité et d'amour filial, se combine au revers à une pure représentation architecturale. Il s'agit d'une élévation de l'église du Val-de-Grâce, suivant le projet de l'architecte François Mansart, son perron saillant, sa façade animée de colonnes, de pilastres et de niches, superposant l'ordre ionique et le corinthien sous des frontons triangulaires, avec un second niveau en retrait, et aussi son décor statuaire, les ailes latérales du couvent qui sont visibles et le dôme sur tambour couronnant la composition. Cette prouesse du graveur, spectaculaire transcription du très grand dans le très petit, du monumental dans la médaille, est alors virtualité. En cette année 1645, dans le paysage urbain de Paris, l'église du Val-de-Grâce n'existe pas, pas encore. Le chantier débuta en effet le 21 février 1645 et le 1er avril de la même année, le petit Louis, âgé de 7 ans, y mit la première pierre au cours d'une cérémonie rapportée par le maire dans son Paris ancien et nouveau. Après la bénédiction de la pierre et des fondations par l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondy, le roi, porté par le duc de Saint-Simon, au milieu de ses gardes et de la cour, fut descendu dans la fosse ornée de tapisseries. Là, on lui donna une truelle d'argent, ayant le manche garni de velours bleu, et il fit de fort bonne grâce tout ce que la reine régente lui dit pour mettre la première pierre dans laquelle est encastrée une médaille d'or massif de 3 pouces et demi de diamètre, pesant 1 mar 3 onces. Et à la suite de ce récit, donc, suit une description de la médaille. Cette médaille, le double, cette médaille que vous avez sous les yeux, donc, et le double, plutôt la médaille de fondation, et le double de celle conservée au cabinet des médailles. Et l'exemplaire, donc scellé dans la pierre de fondation du Val-de-Grâce, est donc ce qu'on entend par ce qu'on appelle médaille de fondation. Il faut ici observer plusieurs traits propres à cet objet. Alors que la plupart des médailles n'ont pas d'usage concret autre que celui d'objet de collection, la médaille de fondation en a un et cette pratique s'inscrit dans un cadre ritualisé. Cependant, rien ne distinguait dans sa forme ou sa facture l'exemplaire scellé dans les fondations de l'église de l'abbaye des Bénédictines du Val-de-Grâce à Paris et celui de collection que nous avons donc sous les yeux. Je m'autorise de ce constat pour étendre le qualificatif de médaille de fondation à tout exemplaire d'une médaille dont l'un au moins, en général le premier, a eu cette destination et été utilisé comme tel, déposé ou scellé dans les fondations d'un édifice. Il découle de ce qui précède que la date, généralement apposée sur de telles médailles, est un a priori et non un a posteriori. Elle précède l'édifice et se rapporte généralement à sa fondation, non à son inauguration, ce qui aura plusieurs implications pour notre propos. Date de fondation en général, mais non pas dans le cas présent, comme vous voyez, puisque la médaille du Val-de-Grâce célèbre, autant qu'elle accompagne, la pose de la première pierre d'un édifice qui lui-même est une action de grâce pour la naissance tant attendue du premier fils d'Anne d'Autriche, le 5 septembre 1638, et c'est cette date-ci qui figure à l'exergue. L'autre conséquence de l'antériorité de la médaille de fondation est que la réalisation n'a pas toujours suivi. Je remonte un peu en amont. Et c'est le cas de l'église de Mansart, hein, dans le détail sinon dans ses grandes lignes, mais la chose est plus manifeste encore avec des projets inachevés, tels la nouvelle façade de l'église San Francesco de Rimini ou Tempio Malatestiano d'Alberti, dont l'une des médailles de fondation en 1446, œuvre de l'architecte et médailleur Matteo De Pasti, qui en supervisait le chantier, montre les parties hautes et le dôme tels qu'ils auraient dû être et ne furent jamais. La médaille nous restitue ainsi un état du projet, d'autant plus précieux lorsque les documents graphiques qu'il faut supposer, qu'elle reproduit nécessairement, ont disparu, ce qui est le cas du Val-de-Grâce, dont on conserve le plan d'origine par mansarde, mais pas l'élévation. Il faut ici admettre que ces médailles sont réalistes, qu'elles représentent assez exactement, quoiqu'à leur échelle, un édifice particulier en devenir et non une architecture générique, le médailleur, ne pouvant observer le monument in situ, puisqu'il n'existe pas encore, doit donc se fonder sur une représentation en projet. L'exercice est bien sûr assez simple lorsqu'il est architecte lui-même, comme Matteo De Pasti, mais dans tous les autres cas, il suppose la transmission de l'agence de l'architecte à l'atelier du médailleur d'au moins un document graphique, transmission directe ou indirecte. J'y reviendrai. Mais à quoi bon ces médailles ? La première pierre, ou pierre d'angle, un petit peu, ne suffit-elle pas ? Le rituel de fondation des églises comporte depuis au moins le Xe siècle une bénédiction étayée de nombreuses références bibliques, depuis le livre d'Isaïe, je cite « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée », jusqu'à la première épître aux Corinthiens, en passant par le célèbre « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». À plus forte raison, lorsqu'il s'agit de la refondation de Saint-Pierre de Rome, dont la pierre d'angle fut posée le 18 avril 1506. Le temps de la construction de l'église est ainsi encadré par la cérémonie de la première pierre et celle de la consécration ou dédicace. Cependant, la médaille de fondation qui s'y surajoute, à partir de la Renaissance, a une autre origine, une origine immémoriale. Des traces de rituels de fondation païens se rencontrent en effet dès le 3e millénaire avant notre ère dans les substructions de temples sumériens, ainsi le clou de fondation du temple du dieu Ningirsu, qui porte une dédicace du roi Gudea. D'autres sont recouverts de formules d'anathème. Sans doute s'agit-il d'ancrer symboliquement le bâtiment et de le protéger de toute destruction. Dans le monde grec, ces dépôts de fondation vont prendre la forme de monnaie. Les fondations du temple d'Artémis à Éphèse, de la fin de l'époque archaïque, ont livré un vase en terre cuite contenant des objets précieux et 28 monnaies d'électrum, parmi les plus anciennes monnaies connues. L'usage votif des monnaies coïncide ainsi avec leur naissance même, au temps de Crésus, dernier roi de Lydie et refondateur de l'Artémisionne vers 561, avant notre ère. Dans l'Empire romain, la pratique se généralise à tout type d'édifice, tant religieux que privé, comme l'attestent des trouvailles anciennes et les fouilles récentes. Par exemple, des quatre as imitation de Claude découverts dans un petit vase en terre cuite sous le sol en tuileaux d'un habitat du 1er siècle à Bordeaux, un double dépôt de monnaie de Marc Aurèle et Commode aux angles d'une maison à Villeselve près de Compiègne, ou encore trois antoniniens de Tétricus Périfis pris dans le radier de fondation d'une villa gallo-romaine à Saint-Germain-lès-Corbeil à l'angle de deux murs. À côté du rituel qui consiste à déposer de menues monnaies à un ou plusieurs angles des fondations d'une maison, s'en rencontre un autre qui veut que l'on jette des monnaies sur le mortier de scellement d'une colonne ou d'un pilier, ainsi vers 350 de notre ère dans une villa rurale en Haute-Saône. 27 monnaies ont été mises au jour dans cette villa de Frotteles-Lure, dans le radier maçonné servant d'assise à la base d'une colonne centrale portant la poutre maîtresse de la charpente. Ces monnaies prises dans le mortier étaient réparties dans les interstices entre les pierres sur toute la hauteur et semblent avoir été lancées pêle-mêle en un geste de jactatio propitiatoire. Sans doute s'agissait-il d'une offrande au genius Loki, peut-être accompagné d'un sacrifice, afin de se rendre la divinité favorable tant pour le chantier de construction que pour les futurs habitants du lieu. Cependant, aucune des monnaies découvertes dans de tels contextes ne comporte de représentation d'architecture en général et de représentation du bâtiment concerné en particulier. La pratique est d'ailleurs suffisamment généralisée pour s'appliquer à des constructions relativement modestes et non aux seules fondations impériales. Les monnaies retenues dans cet usage non monétaire sont plutôt du tout venant. Mais l'architecture est aussi un thème fréquent dans les monnaies romaines, impériales ou provinciales, et c'est l'interprétation moderne qui a pu faire de celles-ci des médailles de fondation, Portant l'éternitas in numis de monuments aujourd'hui disparus, ou souvent, telle la porte triomphale du forum de Trajan, le forum existe mais non plus cette porte, elles intéressaient tout particulièrement les antiquaires et étaient considérées comme de fidèles témoignages visuels, illustrations de la Rome antique et compléments bienvenus des sources textuelles. Bien que ces monnaies romaines à représentation d'architecture ne puissent passer inaperçues des membres de l'Académie qui travaillaient aux médailles de Louis XIV, une seule médaille de leur composition s'en inspire directement, fort tardive au demeurant puisqu'elle ne figure qu'à la fin de l'édition de 1723 des médailles sur les principaux événements du règne entier de Louis le Grand. La paix de Rastatt, qui met fin à la guerre de succession d'Espagne le 6 mars 1714, y est en effet évoquée à travers les portes closes du temple de Janus à Rome, que désigne le Janus Trifrons qui le surmonte. Si l'image est empruntée à un sesterce de Néron, le petit temple archaïque, sans doute jugé trop modeste, fut réinterprété en une curieuse composition classicisante, magnifiée par des degrés et un ordre monumental, un portique de colonnes corinthiennes soutenant un entablement surélevé. Ce n'est pourtant pas par ces emprunts aux représentations de l'architecture antique que la médaille d'architecture du XVIIe siècle, histoire métallique y compris, va s'illustrer, mais bien par des édifices contemporains, en partie sans doute sous l'influence du rituel de fondation qui relie l'architecte et le médailleur. La pratique moderne d'associer médailles et pierres de fondation semble donc avoir pris son essor dans la Rome pontificale du Quattrocento. La médaille de fondation, désormais conçue et créée à cette fin particulière, est alors produite comme un objet multiple dont les autres exemplaires célèbrent l'événement et le font connaître. Ainsi, des médailles du Palazzo Venezia et du Ponte Sisto qui proclament l'évergétisme de Sixte IV, ou de celle de Cristorofopa di Caradosso pour Jules II et le Saint-Pierre de Rome du Bramante. Il est intéressant de noter que le chantier de Saint-Pierre dans les années 1506-1514 passe aussi pour avoir été un modèle dans le développement du dessin d'architecture. Aussi peut-on se demander si ces nouvelles pratiques graphiques codifiées n'ont pas fortement contribué à l'essor des médailles d'architecture en général. Le cas des médailles de fondation de la tour de Santa Croce à Florence est aussi intéressant. Les travaux préliminaires entrepris en 1549 par Francesco da Sangallo étant achevés, l'architecte fit l'acquisition en août 1551 de réceptacles à médailles. Redécouverts en 1854, ils contenaient donc des médailles de fondation, des médailles de Côme Ier de Médicis, duc de Florence, mais aussi trois médailles à l'autoportrait de Francesco da Sangallo, l'une au revers à la tour, les deux autres au portrait de son épouse, Elena Marsupini. L'adjonction, aux côtés de médailles du souverain régnant, de médailles privées au portrait de l'architecte, révèle une approche très personnelle et laïcisée de la fondation, où la médaille tient lieu de signature. On retiendra ici qu'une seule d'entre elles comportait une iconographie spécifique. En effet, médaille de fondation et médaille d'architecture, c'est-à-dire portant sur l'une au moins de ses faces une représentation architecturale comme sujet principal, ne se confondent pas. Une autre médaille de fondation d'Anne d'Autriche possède ainsi un revers épigraphique relatant la pose de la première pierre du couvent génovéfin de Nanterre en 1642. Cependant, une seconde de même module, 5 cm de diamètre, qui n'en avait pas été rapprochée jusqu'ici, se révèle être une médaille de fondation pour le même édifice, ce que l'effigie de la sainte au droit, Sainte Geneviève, et la légende virgilienne au revers, Talibus Auspicis, ne rendaient pas explicite. Le rapprochement permet de donner un sens au petit monument représenté en élévation au-dessus des armoiries d'Anne d'Autriche, la chapelle du couvent de Nanterre. Disparu depuis, il s'agissait d'un édifice assez simple, à trois travées, sans étage, réunis en façade sous un fronton brisé orné de pots à feu. La corniche devait être décorée d'une balustrade interrompue par la travée centrale en avancée, et le porche était surmonté d'un oculus et couvert d'un lanternon servant d'amortissement à la composition. La façade sans pilastres ni colonnes n'est scandée que par ses décrochés. Si l'Italie offre de nombreux modèles d'architecture en médailles, et tout particulièrement les médailles papales, qui donnent la préférence au sujet pacifique et dont c'est un des motifs favoris, le règne de Louis XIV héritait en la matière d'une pratique déjà bien française. On peut citer en 1627 la médaille de fondation de l'église Saint-Louis de la maison professe des Jésuites, aujourd'hui Saint-Paul-Saint-Louis. Le père jésuite François Derand, mathématicien, auteur d'un traité sur l'architecture des voûtes, qui prit la direction du chantier en cours, s'est inspiré, on le sait, de la façade de Saint-Gervais, suivant un parti qui souligne les verticales. Cependant, la médaille, comme vous voyez, montre une élévation sensiblement différente, avec une travée centrale plus large, des colonnes jumelées et un fronton circulaire doublé sous un grand fronton triangulaire, créant un emboîtement qui laisse supposer une travée centrale en retrait. À beaucoup d'égards, elle s'apparente au modèle du Jésus et au prototype de... Alors voici une comparaison peut-être plus simple entre la médaille et une estampe a posteriori qui montre l'église. Et la médaille et la façade, l'élévation sur la médaille s'apparente au modèle du Jésus, ce qui est guère étonnant dans une église jésuite, et au prototype de Sebastiano Serlio pour la façade de Santo Spirito in Sassia à Rome. Sans doute faut-il voir là le reflet du projet d'origine donné par le frère Étienne Martelange. Nous n'avons évoqué jusqu'ici que des élévations. Cependant, les pratiques du dessin d'architecture offraient bien d'autres modèles possibles, tant parmi les beaux dessins de présentation aux commanditaires, souvent rehaussés de la vie, que parmi des dessins plus techniques utilisés sur le chantier. Et je renvoie à cet égard au beau catalogue de la toute récente exposition des Archives nationales, dessinée pour bâtir le métier d'architecte au XVIIe siècle, donc, dont étaient commissaires Alexandre Gadi et Alexandre Cojano. Quelques jetons des bâtiments du roi montrent d'ailleurs la diversité des adaptations possibles. Élévation, mais aussi plan géométral, ce que Vitruve, ou ce qu'on appelle d'après Vitruve iconographie, coupe ou orthographie, les vues perspectives, qu'on appelle scénographie, ou encore vue frontale à vol d'oiseau, c'est-à-dire d'un point de vue élevé fictif, ou comme ici, voûte et arcature représentées di sotto in su. Les médailles des ponts de Paris, qui pouvaient se prévaloir du modèle romain du Ponte Sisto, sont parmi les premières à mettre en valeur les aspects techniques de la construction. Sans qu'on puisse assurer que des exemplaires de ces médailles ont servi de médailles de fondation in situ, elles possèdent la nouvelle caractéristique formelle du type de fondation, à savoir une évocation du monument avant sa construction, donc sur projet, précédant parfois de plusieurs décennies les réalisations dont elles offrent une image, image par anticipation. Le pont de bois Saint-Michel, détruit par une crue en janvier 1616, fut rebâti en pierre et loti de 32 maisons. Quant aux médailles du pont Marie et du pont de la Tournelle, les premières de ce type, elles sont contemporaines d'un manuel de l'architecte Jacques Gentillâtre, qui comprend notamment plusieurs dessins de cintres de charpenterie pour la construction des voûtes, ainsi le cintre du pont neuf de Toulouse, achevé suivant un projet de Jacques Le Mercier, précisément en 1614. Il est d'ailleurs remarquable que ce soit les ponts qui aient été mis en valeur à travers la médaille, alors que le projet d'aménagement de l'entrepreneur Christophe Marie comprenait aussi la création et le lotissement de l'île Saint-Louis. La première pierre du pont Marie fut posée le 11 octobre 1614, mais après plusieurs péripéties, il ne fut terminé qu'en 1635 et couvert de maisons en 1643. Quant au pont de la Tournelle, il ne sera bâti en dur qu'en 1656. Ces médailles sont connues à travers différentes variantes. Portrait de Marie de Médicis ou de Louis XIII au droit, mais aussi au revers une remarquable évocation. Alors ici, entre les plans qui montrent les ponts pas encore construits ou projetés et construction. Mais aussi au revers une remarquable évocation du pont Marie en cours de construction, montrant non une vue d'ensemble, mais le détail d'une arche et du cintre de charpenterie qui devait servir à l'édifier, tandis que l'ouvrage d'art est encore dépourvu de ses pierres de parement. Cette médaille pose à nouveau la question du modèle. Pour le pont Saint-Michel, on imagine volontiers un dessin de présentation. Mais qu'en est-il pour le cintre de charpenterie du pont Marie ? Il repose assurément sur un autre type de dessin qui relève de la technique de construction, et la coïncidence chronologique avec le manuel de Gentillâtre n'est sans doute pas fortuite. Le choix permet ici d'évoquer l'architecture en action, le pont en train de se faire, mettant l'accent sur l'art de bien bâtir autant que sur le résultat escompté, et d'une certaine manière, il sert aussi de réclame pour l'entrepreneur Marie. Rien de tel, cependant, dans les médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, et nous y voici. Le propos n'était certes pas d'illustrer la virtuosité technique d'un homme de l'art, mais bien les accomplissements d'un roi. Si la série comprend une fondation de pont parisien, le pont royal en 1685, sa représentation en médaille tient moins du dessin d'architecture que d'un paysage pictural. Comme l'indique le texte associé, le pont est vu non en plan rapproché, mais en perspective, cette vue large dans la distance englobant ses environs. Le roi, à la place du pont de bois, en fit bâtir un de pierre, aussi commode que magnifique. On voit en perspective le pont et ses environs. Les stampes accentuent même cet effet en présentant le pont de biais et non de face, en sorte que, bien qu'elle évoque une construction sur le mode réaliste, on ne peut guère parler de médaille d'architecture. De fait, les médailles d'architecture stricto sensu sont plutôt rares dans cette suite des médailles du roi, mais les évocations d'architecture très nombreuses. La petite série évoquant les mesures prises pour la conversion des protestants à la suite de la révocation de l'édit de Nantes en est un exemple. L'allégorie de la religion catholique étant présentée dans un décor ecclésial, en une scène d'iconoclasme d'un côté, l'hérésie détruite, et de construction de l'autre, les églises du Languedoc. La religion s'approprie alors les attributs de l'architecture, mais le paysage architectural reste générique. Une église type, à porche classique hexastyle, portant un fronton triangulaire et donnant sur une cour à portique, qui fait autant songer à la cour de la Sorbonne qu'à une église du Languedoc. L'architecture prend ici une fonction purement symbolique, matérialisation d'une idée plutôt que représentation d'un édifice en propre. Mais tel n'est pas le cas le plus courant dans notre corpus. Parmi les évocations d'architecture des médailles du règne, je retiendrai cependant celles qui doivent se fonder sur des dessins d'architectes ou d'ingénieurs, même s'il ne se voit que rarement consacrer la totalité du champ. Ainsi rapprochées sur une même médaille, les portes Saint-Martin et Saint-Denis, transformées par la politique royale d'urbanisme en arc de triomphe, 1670, sont reléguées assez modestement en fond de scène d'un groupe allégorique qui montre Paris et son dieu fleuve. Une première version de cette médaille figure parmi les médailles et jetons de la ville de Paris, repris en médaillon dans l'encadrement architectural fictif d'une estampe de Pierre le Pôtre. Ainsi mise en valeur, la représentation de la statue du roi par Coisevaux, placée à l'hôtel de ville en 1689, s'accompagne d'un récit par la médaille qui, soit dit en passant, préfigure notre histoire métallique. Et je vous montre ici, alors il y a un certain nombre de jetons ou de médailles qui ont été remployés, en fait, ont été recopiés dans ces médaillons. Celle dont je parlais, je crois que j'ai le. Je sais pas où est passé. Ici. Et à moitié visible. Là. La série uniforme étant par définition rétrospective, il ne saurait être question à son propos de médailles de fondation. Cependant, certaines de ces médailles commémoratives sont des reprises en réduction de médailles antérieures qui, elles, ont pu l'être. Mais ce qui nous intéresse surtout est que les deux catégories se rejoignent fréquemment dans le recours à des documents graphiques préalables à la construction. La médaille de la série uniforme célébrant la fondation de l'hôpital de la Salpêtrière est davantage allégorique que d'architecture, avec au premier plan sa charité, la vue du bâtiment étant là encore reléguée en éloignement. Je cite l'explication du livre. Le commentaire livresque est d'ailleurs peu précis, puisqu'il ne fait mention que d'une des maisons de cette fondation, alors que c'est bel et bien le dôme de la chapelle qui se détache dans le lointain. La date retenue, 1656, est une date de fondation, mais les plans et dessins de la chapelle ne seront donnés par l'architecte libéral Bruant qu'en 1669. Donc c'est la date de fondation de l'hôpital, de la Salpêtrière, mais non pas en fait celle de la chapelle elle-même. Étant donné le caractère nettement postérieur de la médaille, on aurait pu penser à une esquisse d'après nature. Pourtant, il n'en est rien. Comme le montre un examen des percements du tambour et du lanternon du dôme, et l'absence de la triple arcature qui forme un porche très caractéristique dans la réalisation, telle qu'elle est encore visible et telle que l'a montré déjà des estampes anciennes, c'est une estampe du début du XIXe siècle, il ne s'agit pas donc d'un dessin a posteriori. La précision des détails sur la médaille laisse supposer un modèle différent, un dessin de projet, par conséquent, plutôt qu'une, on aurait pu penser aussi à une omission ou une adaptation délibérée par Antoine Coipel ou par le graveur de coin Jean Mauger, mais la précision du détail indique plutôt en fait une réalisation d'après un dessin projet. Le dossier numismatique du Louvre, qui commence très tôt, commence dès le règne de François Ier, dont les jetons de la chambre du trésor donnaient déjà un aperçu, qui se voulait réaliste, de la porte du vieux château, ses tours, ses mâchicoulis, sa herse et son décor statuaire. Le règne de Louis XIII voit la mise en valeur, par la médaille, des agrandissements du palais. En 1624, le projet confié à l'architecte Jacques Le Mercier de doubler l'aile de Pierre Lescot et de quadrupler la cour du château, cour carrée, coïncide avec la création d'une médaille de fondation. Une réplique de l'aile Lescot avec ses trois avant-corps était prévue, de part et d'autre, d'un pavillon central surélevé, le pavillon de l'horloge. Interrompu, les travaux reprirent à partir de 1639, toujours sous la direction de Le Mercier, qui semble avoir modifié quelque peu son projet, si l'on compare l'élévation à la médaille de 1624, notamment les parties hautes du pavillon central, donc du pavillon de l'horloge, qui semble élargi avec l'abandon de la travée rythmique au profit de trois travées régulières, l'ajout d'un étage carré au-dessus de l'attique, le fronton doublé et la forme du dôme qui est modifiée et, en supprimant le lanternon. Si la plus belle médaille de Louis XIV est d'architecture, la plus volumineuse, toujours par Jean Varin, l'est aussi et il s'agit d'une médaille du Louvre de diamètre 11,4 cm et très particulièrement épaisse. Il s'agit ici de la médaille de fondation, plutôt son double, la médaille de fondation du Louvre du Bernin, en octobre 1665, un projet qui, comme on sait, ne vit jamais le jour. Les dimensions imposantes de la médaille disent assez l'ambition de l'entreprise et peut-être surtout l'impression que le roi et son ministre voulurent faire sur le Cavaliere Bernini. Cette représentation en médaille complète le dossier graphique du Louvre en montrant une des versions successives du projet. Élévation en ordre colossal corinthien, rythmée par des décrochements, au-dessus d'un soubassement en bossage et avec sous une balustrade en fait ponctuée de statues qui dissimulent les toitures. L'affaire étant bien connue, je ne m'attarderai pas sur ce cas qui n'eut bien entendu aucune postérité dans la série de l'histoire métallique, si ce n'est pour souligner qu'ici encore, il faut supposer la transmission, directe ou non, d'un dessin du Bernin à Varin, près du dessin de présentation, par exemple, ou une copie d'après celui-ci. Il n'en va pas de même de la colonnade de Claude Perrault. Alors ici, un autre projet du Bernin, en fait, pour la façade dont on connaît, dont il avait fait une maquette et qu'on connaît par le dessin de la maquette. Résultat du travail d'un petit conseil réuni autour de Colbert en 1667, le projet dit de Perrault a connu aussi différentes variantes, dont on conserve des dessins par François d'Orbais, mais aussi plusieurs médailles qui révèlent entre 1667 et 1673 les hésitations sur l'élévation et le couvrement des pavillons, ou plus précisément ceux du pavillon central, seul visible. Alors que la médaille du Louvre du Bernin montrait la façade dans sa totalité, les médailles suivantes semblent en effet renouer avec le mode de représentation du pavillon de l'horloge, voire du vieux Louvre, en ne montrant qu'une section de façade centrée sur le pavillon central, comme vue à travers une lunette. On gardera d'ailleurs à l'esprit que Claude Perrault, architecte de facto et excellent dessinateur, au dire de son frère, fut aussi l'un des académiciens qui s'adonnèrent à la conception, ici un dessin qu'on peut lui attribuer, un des académiciens qui s'adonnèrent à la conception des médailles du roi, ce qui a pu simplifier la transmission du modèle au médailleur. La création d'une médaille pour fonder pour fonder les grands projets d'architecture ne semble plus ici attendre que le dessin en soit effectivement et définitivement arrêté, en sorte que ces médailles ont aussi pu servir d'argument dans une controverse difficile à trancher. Dans les médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand, la reconstruction du Louvre n'est pas évoquée en tant que telle, mais la colonnade sert opportunément d'arrière-plan à un Apollon à la lyre pour célébrer l'Académie. L'œuvre d'architecture de Claude Perrault a été largement diffusée par la gravure, ainsi du frontispice d'une édition de Vitruve, dont il avait donné les dessins, et qui juxtapose ces trois créations. La porte Saint-Antoine, la colonnade du Louvre et l'observatoire. Mais cette œuvre fut non moins largement, l'œuvre de Perrault fut non moins largement diffusée par la médaille. L'observatoire de Paris, qui avait eu droit à sa médaille de fondation en 1667, est ainsi un des rares monuments à se voir consacrer une médaille d'architecture au sens strict dans la série uniforme. Bel hommage à Perrault de la part des académiciens. La comparaison des deux types, donc le type de la médaille de fondation et le type, ici un exemplaire en or, de la série uniforme, montre d'ailleurs les modifications intervenues à la demande de Cassini. Il y a eu un certain nombre de reprises, comme on peut le voir dans les percements du soubassement et aussi dans les angles en fait, du monument, et ainsi que l'ajout de statues en partie en façade. C'est un autre point de vue qu'adoptent deux médailles de composition fort comparables. La vue à vol d'oiseau, sans doute la plus à même de rendre l'ampleur de la construction des Invalides et de Versailles. La première est une réplique en modèle réduit d'une médaille d'or du plus grand module, vraisemblablement de fondation. Jules Hardouin-Mansart, au service du roi à partir de 1675, prit la tête du chantier des Invalides en 1676. La vue se fonde certainement sur un dessin de son agence, mais la mise en situation à travers la perspective plongeante est-elle une initiative académique ou n'est-elle pas plutôt due à un architecte ? S'il semble moins utile que l'élévation ou le plan géométral dans le processus constructif, ce type de vue large et animée qui demande une parfaite maîtrise de la perspective est une démonstration de virtuosité, et ça l'est également pour le graveur de coin. Il s'agit pour l'architecte d'un mode de présentation possible du projet destiné à convaincre le commanditaire. Toujours est-il que pour une fois, les académiciens n'y trouvèrent rien à redire. Une version simplifiée en fut même gravée pour un jeton de 1702, un autre jeton des bâtiments du roi, lui préférant une perspective rapprochée et un point de vue plus bas. L'autre médaille de la suite du roi à adopter la vue à vol d'oiseau est celle du château de Versailles, ses jardins en eau, ses jardins ici mis en eau et sa patte d'oie. Mais je ne m'attarderai pas, puisque Fabrice Charton nous en entretiendra tout à l'heure, si ce n'est pour relever le changement de point de vue par rapport à la grande médaille de 1687, célébrant l'achèvement des fontaines. Celle-ci offrait une grande vue perspective depuis les jardins, mais non vue du ciel. Alors que le plan géométral était devenu indispensable à la pratique de l'architecte, ces apparitions dans la suite du roi sont en relation avec les réalisations d'un autre corps de métier, non les architectes proprement parlés, mais les ingénieurs militaires, et avec ce qu'on appelle le système Vauban. L'histoire métallique est prolixe en plans de places fortes et de ports, mais un seul revers montre un plan pour lui-même, celui des fortifications sur le Rhin. Sous le titre de Strasbourg fortifié, il est aussi ainsi décrit dans le livre. On y voit la ville de Strasbourg avec ses fortifications, Strasbourg fortifié sur le Rhin. Mais cette explication laisse quelque peu à désirer, car il ne s'agit pas d'un plan de ville. On a beau chercher Strasbourg, on n'en voit rien, ou à peine. Tout juste une extrémité de rempart sur la gauche. Donc, en fait, Strasbourg est là. Le véritable sujet de la médaille est en fait le système défensif mis en place sur les deux rives du Rhin, et ses bras, non encore, bras du Rhin qui n'étaient pas encore indigués à l'époque, comme on peut voir. La médaille de la série uniforme reproduit ici presque sine varié tour, quoique de façon moins détaillée du fait de la réduction du module, et la réduction est de plus de moitié ici, puisque la médaille, cette grande médaille en or est de 8,4 cm, et la médaille de la série uniforme, les médailles font 4,1 cm. donc une fort grande médaille en or de 1683, qui est peut-être cette médaille en or une médaille de fondation, dont en tout cas l'ambition est proportionnée à l'importance de la prise de possession de la ville. De ces fortifications, il reste le barrage Vauban, pont enjambant l'île, qui relie à deux parties du système défensif construit par l'ingénieur Tarade de 1681 à 1688 sur les plans du marquis de Vauban. Le plan se comprend mieux, en réalité, dans la variante qu'en donne l'almanach de 1682, un almanach de 1682 figurant le roi en son conseil, dit aussi les heureux succès de 1681. Tandis que Louvois montre un plan de Strasbourg devant le roi, les médaillons de la bordure présentent à droite les actions remarquables et à gauche les, je cite, les travaux du roi pendant la paix. Et ces travaux du roi pendant la paix sont présentés sous forme de plans dans les médaillons, parmi lesquels on reconnaît Huningue en Sundgau et Strasbourg fortifié, donc, selon une représentation identique à la médaille, si ce n'est, comme vous pouvez le remarquer, qu'elle est légendée. Et la comparaison révèle en effet un élément essentiel qui manque à nos plans en médaille pour être pleinement intelligible, les légendes. Celles-ci devaient être présentes dans les sources graphiques utilisées, mais n'ont été retenues ni dans la suite des médailles, ni dans le livre qui va avec. La mise en valeur du plan en étoile est manifeste dans l'almanach, associée à une disposition en médaillon comme pour raconter des histoires dans l'image. Cependant, la suite des médailles du roi va plutôt s'employer à associer le plan à d'autres modes de représentation, et ce, de différentes manières. Ainsi, de la médaille du port de Marseille, dont le commentaire nous dit « on voit le plan du port et des deux forteresses », et qui cependant ne montre pas un plan, mais une vue à vol d'oiseau, ou plutôt le plan dessiné sur lequel doit se fonder la composition est ici subtilement intégré et comme mise en scène dans un paysage maritime qui bascule du plan géométral à la perspective avec ligne d'horizon. Une des combinaisons les plus courantes est toutefois celle du plan et de l'allégorie. La médaille de Rochefort fait du plan de la ville portuaire et de son arsenal une sorte de tenture de fond pour un char de Neptune passant sur la Charente. Et voilà la Charente magnifiée. Vue animée de profil et vue technique de dessus forment une sorte d'image emblématique de la nouvelle fondation, cependant que le plan non seulement passe à l'arrière-plan, mais n'est plus entièrement visible. Le même principe, inspiré de l'antique, comme l'avait montré lors du précédent colloque M. Engerer, en citant notamment la représentation du port d'Ostie sur une monnaie de Néron, est utilisé donc pour les médailles de Brest, associé au dieu Portumne, réputé dieu des ports, et de Toulon, associé à Pallas. Le commentaire brode d'ailleurs quelque peu pour justifier la présence de cette dernière. Mais même la première médaille de Dunkerque, 1671, dont le revers est censé nous montrer le plan exact, l'associe à une allégorie de la ville au premier plan. Plan exact, tel que le revendique le commentaire, implique bien un relevé graphique fourni au dessinateur Coipel et au graveur Mauger. L'un après l'autre, ou l'un ou l'autre, suivant. Or, si le registre journal de délibération de l'Académie des années 1694-1701 est disert sur le choix iconographique et les légendes des médailles, il semble beaucoup plus discret sur l'origine des dessins techniques qui ont servi de source. Ainsi, le 14 février 1699, l'abbé Bignon, qui présidait l'Académie, apporta les plans de Brest et de Toulon et celui du Havre de Grâce. Il y avait aussi des vues perspectives de ces trois ports. Il est alors en attente du plan de Marseille. Le 4 avril, enfin, l'abbé Bignon présenta devant l'Assemblée un plan exact et une vue en perspective de Marseille, entre lesquels le plan fut retenu. Entre les deux, c'est le plan qui a été retenu par les académiciens, à charge pour Coipel de dessiner une galère requise qui allait y être ajoutée. Mais où se procurait-il ces plans? On ne sait, et on a la mention qu'il apporte ces documents, mais d'où il les tire n'est pas précisé. L'entreprise a pourtant demandé à l'évidence une large documentation graphique de provenance variée. Les médailles de Dunkerque en donnent d'autres exemples, puisqu'on y voit aussi une vue perspective dessinée depuis un fortin, pour la médaille de 1600. Non, alors c'est pas celle-ci. Non. Ah mais pardon, elle était là. Pour la médaille de 1795, donc dans ce cas-ci, c'est la vue en perspective qui aura été retenue. L'objet plan est en lui-même souvent mis en scène. Une allégorie de cité présentant en général son nouveau plan sur un rouleau. La réduction extrême qu'implique ce parti est traitée différemment selon qu'il s'agit de la médaille ou des médaillons du livre. Ainsi, pour Dunkerque, le médailleur s'est efforcé d'être fidèle au modèle et l'on reconnaît bien le long canal vers la mer et ses jetées, ainsi que la forme en haricot de la ville fortifiée. En revanche, comme on voit ici, l'estampe a substitué à ce détail réaliste un simple modèle générique de fortification en étoile qui n'a plus rien de spécifiquement dunkerquois. Et de même pour les médailles de Saint-Louis. Ces plans dans l'image ont très fréquemment subi un changement d'orientation entre les médailles et le livre. Ainsi pour Thionville et Huningue, le second préférant, donc le livre préférant systématiquement faire rayonner l'étoile du système défensif vers le haut, quand bien même cela ne correspondait pas au plan source qui, alors ici, Huningue, plan source qui, dans le cas de Huningue, donc sur le Rhin, est très certainement l'un des plans de Tarade, donc entrepreneur associé à Vauban, dont vous voyez ici, on en a plusieurs copies avec des variantes, dont vous voyez ici un plan de la Bibliothèque nationale. Parmi ces représentations de l'objet plan dans les médailles de l'histoire du roi, l'une fait exception en ce qu'elle n'est pas plan d'ensemble, mais de détail. Il s'agit de la médaille des fortifications de Paris, ou plutôt du roi faisant justice et se condamnant lui-même, comme dit le titre. Mais il s'agit là, et par exception, d'une forme de plan générique pour des fortifications anciennes disparues et non d'une fondation de Louis XIV. Et pour les fondations de Louis XIV, la préférence est donnée à un plan au vrai. Cette médaille montre cependant, ces détails montrent cependant la prégnance du modèle d'éperon bastionné de Vauban. On citera aussi quelques cas de boucliers cartographiques pour Nebrisach et Casale, ce dernier étudié par Ivan Loskutov dans sa publication du Journal des Savants. Mais le détail, réduit à un plan type, reste peu visible dans la composition d'ensemble, car de très faibles dimensions et reliefs. Celui-ci est plutôt assez grand. Si elle s'apparente au plan allégorisé par l'association du plan et d'une vie de profil, les médailles de Marseille et du Havre substituent aux divinités un autre emprunt à la monnaie antique sous la forme d'une galère voguant dans le port qui est simultanément présentée en plan et en eau. Cet effet particulièrement séduisant est vraisemblablement aussi issu des modes de représentation cartographique. En plus des élévations d'architectes et des plans d'ingénieurs, l'entreprise des médailles du roi semble avoir également eu recours à des cartes. Telle est probablement la source de la médaille célébrant la prise de Tobago dans les Antilles le 3 mars 1677, qui associe, tout comme les cartes relatant l'événement, un relevé d'architecture et une marine. Il ne s'agit pas ici d'une fondation, mais bien d'un relevé de l'existant, sans doute fait dans l'entourage du comte d'Estrées, commandant de l'escadre française, pour faire connaître son exploit. Malgré les différences d'échelle, le choix du Pardon. Malgré les différences d'échelle, le choix du gros plan plutôt que d'une carte et l'effet de perspective, les similarités dans la mise en page de la médaille et de la carte sont assez flagrantes, en sorte que ce plan du fort et des environs de Tobago avec le port où s'est donné le combat, donc du 3 mars 1677, qui montre par lettres où étaient nos vaisseaux et ceux des Hollandais, a dû parvenir d'une façon ou d'une autre, en original ou à travers une copie, entre les mains des académiciens et à travers eux du dessinateur et du graveur de coin. Le légendage est ici aussi une différence notable entre le document cartographique et sa réinterprétation abrégée dans la médaille. On notera en passant que si les médailles de Besançon et de Montmélian, parmi d'autres, ne sont pas à proprement parler d'architecture, elles supposent sans doute le même genre de document graphique pour restituer la topographie du site avec la précision requise. La suite des médailles du roi et leurs livres ne comporte pas d'équivalent de la grande médaille célébrant les victoires de 1691 à travers la nef de Notre-Dame de Paris pavoisée. Je ne résiste pas pourtant au plaisir de montrer cet autre type de la médaille d'architecture, à savoir la vue d'intérieur, dont le modèle était promis à une belle postérité, notamment à travers les célèbres médailles de Giuseppe Bianchi au XIXe siècle. Il faut supposer là encore un intermédiaire graphique, ici non un projet, mais un relevé d'architecture. Mais c'est par où j'ai commencé que je terminerai, le Val-de-Grâce. Il n'y a pas de transposition de la grande médaille de Varin dans le livre des médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand. Pas de transposition, mais une modeste réminiscence de 4 mm de haut de la superbe médaille du Val-de-Grâce qui en fait 9,5. Sur la médaille commémorant la mort de la reine-mère, le 20 janvier 1666, le tombeau, surmonté d'une pyramide portant le portrait d'Anne d'Autriche, est accosté de deux figures, la science de gouverner, en pleurs, et la religion, tenant sur ses genoux, je cite, « le modèle de l'église du Val-de-Grâce que cette reine a fait bâtir ». Le modèle, c'est-à-dire, dans le français de l'époque, la maquette, modèle réduit en bois ou en carton, dit aussi « petit modèle », qui se réfère à un autre mode de représentation d'architecture, non plus bidimensionnel comme le plan, mais tridimensionnel, et tel qu'on en faisait fabriquer pour les édifices les plus importants. Rien n'indique cependant que la source de cette minuscule évocation soit une maquette du Val-de-Grâce. Il est plus probable que le médailleur soit parti du même dessin que Varin, voire de sa médaille même, dont l'élévation est d'ailleurs simplifiée et réduite d'un niveau sur la médaille, alors que la gravure lui a conservé ses deux frontons superposés. La question de l'architecture en médaille est ainsi celle de la transposition du modèle d'un médium à l'autre, mais aussi celle des circuits de transmission. Les académiciens et les artistes qui mettaient en forme leurs idées eurent manifestement accès à un large éventail de documents graphiques, empruntés pour partie au bâtiment du roi, mais aussi à une documentation à caractère militaire et diplomatique. Un gros travail d'identification des sources reste à faire, mais lorsqu'elles s'avèrent irrémédiablement perdues, la médaille peut encore jouer son rôle d'Eternitas in Numis.